لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Aujourd'hui, inshallah, nous entamons l'explication du deuxième hadith du recueil des hadiths compilé par le grand savant, le cheikh al-doctor Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Nous avons été attristés aujourd'hui d'apprendre le décès, l'assassinat du cheikh du Yémen, le cheikh Abdurrahman ibn Mar'i al-Adani rahimahullahu ta'ala. Il a été assassiné aujourd'hui alors qu'il sortait de chez lui pour aller faire la prière de Dhuhr. Donc par des personnes criminelles, sûrement parmi les chiites ou les khawarij. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est grand, il est puissant. Ils n'ont pas tardé à être rattrapés. Leur voiture, elle a fait un accident, elle s'est retournée, les assaillants. Le conducteur est mort. Et les autres occupants blessés ont été attrapés. Qu'Allah leur donne la sentence qu'ils méritent. Et nous invoquons Allah tabaraka wa ta'ala qu'il prenne dans sa clémence le cheikh Abdurrahman al-Adani, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. C'est le grand frère du cheikh Abdullah al-Adani qui est déjà venu en France. C'est son grand frère. Il est aussi un cheikh du Yémen. Rahimahullahu ta'ala. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. Et qu'Allah préserve et protège les savants et les chiurs d'Ahl Sunna ainsi que tous les musulmans de tous ces troubles et de ces problèmes qui touchent la communauté musulmane. Et ça, c'est un des signes de Khawarij depuis leur première apparition. C'est de tuer et d'assassiner lorsque les gens sont en prière ou en direction de la prière. Subhanallah. Des gens qui disent qu'ils agissent pour l'islam, pour Allah, et le moment propice pour eux, pour agir, c'est le moment de la prière. Wallahu al-musta'an. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Muljim, ce grand criminel qui l'a assassiné, Ali, radiallahu anhu, était en direction de la mosquée pour faire la prière de l'Fajr. Et il est venu par traîtrise pour l'assassiner. Un de ces khawarij a voulu assassiner Amr ibn al-As, radiallahu anhu. Là, on parle de compagnons, subhanallah. Ils n'ont pas de limite. Et il est rentré dans la mosquée en Égypte, car il était le gouverneur de l'Égypte à l'époque. Mais ce jour-là, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il était malade. Et c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'imam à sa place. Et cette personne qui a remplacé Amr ibn al-As, c'est lui qui a été assassiné. Rahimahullah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, en Syrie, Fisham, il a été blessé. Un assaillant, un khariji, a voulu l'assassiner. Il a été blessé et sa blessure n'était pas très grave, donc il s'en est sorti, radiallahu anhu. Et Ali, radiallahu anhu, il a été assassiné. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, ils sont entrés chez lui. Ils l'ont encerclé, empêché d'aller à la mosquée pour faire la prière. Ils sont entrés chez lui et ils l'ont assassiné alors qu'il était en train de lire le Coran. Radiallahu anhu. Et l'historique des Khawarij, il est mauvais. C'est un historique qui est sombre. Et combien de gens essaient de leur trouver des excuses, wal'iyadu billah. C'est interdit en islam. Les gens de la déviation, du faux, des extrêmes, On n'a pas à leur trouver des excuses. Ce sont des gens à qui Allah a voilé, ne voient plus la vérité. Ils se croient sur une chose, alors qu'en réalité, ils sont sur rien du tout, que sur le faux. Ils se croient suivre le Coran, alors qu'ils font tout le contraire du Coran. Wal'iyadu billah. Et leur première victime, et leur plus grande victime, ce sont les musulmans. Dès qu'ils en ont la capacité, ils massacrent et assassinent les musulmans. Hommes, femmes, jeunes, vieillards, enfants, bébés, et même le fœtus qui est à l'intérieur de sa maman. Ils n'échappent pas à leur crime. Wal'iyadu billah. C'est pour cela qu'il faut apprendre sa religion et savoir le vrai du faux, la vérité du mensonge, la guidée de l'égarement, la lumière des ténèbres. Et c'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, face aux Khawarij, pour les faire cogiter, les faire réfléchir, il leur a dit, ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement? Il n'y a pas un seul compagnon dans vos rangs. Un seul compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé plus de 120 000 ou 124 000 compagnons. Pas un seul compagnon né dans votre rang. Ça aurait dû vous faire réfléchir. C'est pas possible. Pas un seul compagnon. Et de même les Khawarij de toute époque. Aucun grand alim reconnu né dans leur rang. Jamais. C'est que les gens de la masse ou les prêcheurs aux portes de l'enfer. Et ce sont les pires. Des gens assis sur leur chaise, sur leur minbar, allongés et qui poussent d'une manière ou d'une autre au soulèvement. Qui poussent à la discorde, au trouble, à la fitna. Mais ils n'y participent pas physiquement. Ceux-là sont pires que ceux qui y participent physiquement. Car c'est la base même de ce problème, de ce trouble. Ce sont ceux-là qui parlent. Et de leurs paroles, les gens agissent. Donc il faut arrêter de se fier seulement aux sentiments, aux émotions, ou parce que c'est une réalité. La communauté musulmane vit un mal quelconque ou est oppressée par quiconque, que cela veut dire ça légitime d'agir comme bon nous semble. Non, on est des musulmans. On est géré par les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On agit que comme il plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ennemi, il agit en mal, on n'a pas le droit d'agir en mal. Le musulman est un exemple pour les autres. Donc, il faut arrêter d'écouter n'importe qui, de suivre n'importe qui. Ou de se croire être à la hauteur pour pouvoir juger ou de distinguer. Avec quoi tu vas distinguer? Avec quoi tu vas juger? Es-tu la personne adéquate pour cela? Non, à chacun sa place. Qu'Allah fasse clémence à une personne qui connaît son degré. Donc, de toujours rester derrière les grands savants de l'islam, ceux qui tout leur vécu ont vécu pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont invité au tawhid et à la sunna. Ils n'ont pas appelé à leur propre personne, ni à un mouvement quelconque, ni à un parti quelconque. Ils n'ont pas cherché à plaire à un tel ou un tel, mais plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là-dedans qu'il y a la sécurité, qu'il y a la sûreté et qu'il y a la réussite dans les deux mondes. Qu'Allah nous facilite à tous. Tayyib. Al-hadithu al-thani fadlu aqidati al-tawhid. Le second hadith, hadith numéro 2, les mérites de la croyance du dogme du monothéisme. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. D'après le compagnon Ubadah ibn Samit رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui atteste, qui témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, qui n'a pas d'associé, et que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, et que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole insufflée à Maryam, on traduit ici par son verbe, insufflé à Maryam, et une âme émanant de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il ait accomplies auparavant. Le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. Rawi al-hadith, le compagnon qui a rapporté le hadith, Ubadah ibn Samit al-Ansari, donc c'est un Ansari, d'origine de Médine. كان ممن شهد بيعتي العقبة الأولى والثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a participé, il était présent aux deux pactes d'allégeance de l'Aqaba, la première et la seconde. Là, on est dans l'époque mécoise, avant l'émigration à Médine. Avant l'émigration à Médine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vu les obstacles, les difficultés auxquelles il fait face avec les croyants, et il a même demandé à certains de quitter la Mecque et d'accomplir la première émigration qui n'était pas demandée à tous, c'est celle qui était vers l'Abyssinie, Al-Habasha. D'accord ? C'est l'Éthiopie. L'empire abyssin, c'est l'Éthiopie. Et donc, ça, c'était bien avant Médine. Donc, la première émigration, elle était en direction de l'Afrique. Donc, Al-Habasha, l'Éthiopie a connu l'islam avant Médine. Et il y avait un roi chrétien, Al-Najashi, qu'on appelle le Négus en français, qui était un empereur, un roi juste. Il était connu et célèbre pour être juste. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait. Et il l'a dit à ses compagnons: allez vers tel territoire, Al-Habasha, l'Abyssinie, car il s'y trouve un roi juste, auprès de qui personne n'est oppressé, personne ne sera lésé. Et il y aura deux émigrations vers Al-Habasha. Et il est connu l'histoire, car c'est le porte-parole des musulmans en Abyssinie, c'était Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est le petit frère de Ali, radiallahu anhu. Et Ja'far, c'est lui qui prendra la parole. Je pense que c'est le petit frère ou le grand frère. Le grand frère, le grand frère de Ali, radiallahu anhuma. Et c'est lui qui prendra la parole devant le Négus lorsque Quraysh va envoyer des émissaires pour discuter avec le Négus pour qu'il puisse leur restituer les musulmans de la Mecque, pour qu'ils retournent à la Mecque. Et Ja'far prendra la parole et il récitera des versets coraniques qui toucheront et auront un effet sur le Négus. Et le Négus, comme il est bien connu, il deviendra musulman. Il se convertira à l'islam, d'accord ? Et plus tard, quand il mourra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà à Médine avec ses compagnons et Allah tabaraka wa ta'ala l'informe du décès de Al-Najashi, du Négus. Et il demandera aux musulmans de se réunir pour accomplir la prière sur le mort en son absence. Tayyib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche des tribus, des personnes pour le soutenir, soutenir son prêche et son appel. Et comme la Kaaba est un lieu de pèlerinage et des gens viennent de toute contrée pour le pèlerinage, il en profite pour les inviter. Mais il y a des membres de la tribu de Quraysh, les chefs, des membres de sa famille, comme Abu Lahab et autres, qui viendront contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le traiter de fou, de sorcier, de magicien et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira vers la ville de Taif. La ville de Taif pour aussi les inviter et essayer de leur demander le soutien. Comment ils vont répondre ? Ils vont envoyer les enfants et des fous pour lui jeter des pierres, pour ne pas le laisser. Et elle a connu l'histoire que l'ange vient et lui dit, si tu veux, je brise ou je réunis les montagnes jusqu'à les briser tous, les détruire. Et il dira, alayhi salatu wassalam, non, j'implore Allah qu'il sorte de ces gens-là des personnes qui adoreront Allah. Et plus tard, Taif sera musulmane. Et donc, il y a des personnes de Médine, des Ansar. Avant d'être des Ansar, des Médinois, à l'époque ça s'appelait Yathrib. La ville, elle s'appelait Yathrib. C'est le prophète Sassam qui lui a donné le nom de El-Médine. Et ils viendront, et ils acceptent l'islam et ils prêteront allégeance au prophète Sassam à l'Aqaba. Ils feront l'allégeance. Et ils reviendront l'année d'après pour lui refaire l'allégeance, lui confirmer qu'ils sont prêts à le recevoir. Ce sont les prémices de la Hijra. Comme quoi, à Médine, c'est bon, il y a des maisons et des familles qui sont musulmans et sont prêts à recevoir le prophète et ses compagnons. Donc, Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, a participé à ces deux allégeances avant l'immigration. Wa shahida ma'ahu sa'ir al-ghazawat. Et il a participé avec le prophète sallam à toutes les batailles. كان معلما للقرآن في المدينة ثم في الشام. Et il enseignait le Coran à Médine puis au Proche-Orient en Syrie. توفي في بيت المقدس سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه. Il est mort رضي الله عنه en l'an 32 de l'Hégire à Jérusalem en Palestine. تفسير المفردات اللغوية vocabulaire. شهد أن لا إله إلا الله تكلم بها بلسانه واعتقد ما تدل عليه بقلبه وعمل بما تقتضيه بجوارحه. Attesté de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il a formulé cette parole avec sa langue, il en a eu la conviction dans son cœur et ce qui est voulu par cette parole, et il a appliqué, pratiqué tout ce que cette parole implique avec les membres de son corps. Hein, comme vous le savez, la foi c'est une parole de la langue, une conviction dans le cœur et les actions des membres du corps. Wahdahu, l'unique, le seul, ay wahidan fardan, qu'il est l'unique et le seul. Isa huwa ibn Maryam al-Azra. Jésus, c'est le fils de Marie, la Vierge. Kalimatuhu, sa parole, son verbe, ay khalaqahu bi qawlihi kun. Parce que Isa alayhi salam, à la différence des autres humains, il est né sans que sa maman n'ait eu aucun rapport avec un homme. Et Allah a décrété dans sa création que pour qu'il y ait une naissance, il y ait une rencontre entre un mâle et une femelle, entre un homme et une femme. Et lui, sa maman, elle est vierge. Jamais aucun homme ne l'a approché. D'accord ? Et il a été créé par sa parole, par son ordre d'Allah Tabarakata en disant « Kun, sois » et il fut. C'est pour ça qu'on l'appelle « Kalimatuhu » la parole d'Allah, le verbe d'Allah qui est « Kun ». خلقه بقوله كن فكان عيسى بقدرته وحكمته. Donc de par la force, la capacité et la sagesse d'Allah, il fut. وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن. Donc puisqu'il est le fruit de la parole d'Allah تبارك وتعالى soit, donc on dit de lui que c'est la parole d'Allah. روح منه, une âme venant de lui, ay Isa ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah wa awjadaha. C'est-à-dire que Isa, il est une âme parmi les âmes qu'Allah a créé et qui leur a donné existence. Al-jannatu haqq wa an-naru haqq. Le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Ay annahuma thabitatan haqiqatan la shakka fihima, c'est-à-dire qu'elles existent réellement, véritablement, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord ? Donc là, on a un texte prophétique clair et explicite. Le paradis et l'enfer existent déjà. Ça, c'est une réfutation à des sectes, des opinions erronées. Parmi les plus extrêmes, c'est qu'en réalité, l'enfer et le paradis n'existent pas. C'est une imagination. Quand tu te sens dans le bien, tu es dans un paradis. Quand tu te sens mal, tu es dans un enfer. Ça, c'est des explications de sectes vraiment, mais dans l'extrême de l'égarement. D'autres ont dit que, en réalité, le paradis et l'enfer n'existent pas encore. Ils vont exister. Mais au moment où les gens devront y entrer. Sinon, il n'y a aucune utilité à les avoir créés auparavant. Ça, ce sont des opinions de sectes égarées et qui sont contraires à la vérité. Al-ma'na al-ijmali, le sens global du hadith. Yatadammanu hadha al-hadith khamsata umurin. Donc ce hadith comporte 5 points. من آمن بها وعمل بها بما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. Donc ce hadith comporte 5 points. Celui qui y croit, qu'il en a la conviction et pratique ce qui est voulu par ce hadith, par ces points qu'on retrouve dans ce hadith, que ce soit une pratique intérieure ou extérieure, entrera au paradis. أولها, premier. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Celui qui atteste que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. يعني, c'est-à-dire, آمن بالله عن صدق ويقين. Il a cru en Allah avec véracité et certitude. Mu'tarifan bil wahdaniyya lillahi ta'ala, reconnaissant l'unicité d'Allah azza wa jalla. Wa tajarrada 'an 'ibadati ghayrihi, et qui s'est éloigné complètement de toute adoration donnée à autre que lui. وعمل بما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قولا وعملا. Et qui a pratiqué ce qui est voulu, ce qu'implique cette attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, dans le suivi de ses ordres, c'est-à-dire en appliquant les ordres et en s'éloignant, s'abstenant des interdits dans la parole et l'acte. Thaniyan, deuxièmement, شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'attestation que Mohammed صلى الله عليه وسلم est le messager d'Allah. يعني, c'est-à-dire, من اعتقد اعتقادا جازما لا يقبل الشك بأن محمدا رسول الله. Celui qui a la conviction ferme, totale, qui ne comporte et qui ne permet l'entrée d'aucun doute que Mohammed, il est le messager d'Allah. Arsalahu Allahu ila thaqalayn, al-jinn wal-ins. Allah l'a envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé vers les deux créatures qui seront pesées le jour du jugement dernier, dont leurs œuvres seront pesées le jour du jugement dernier, dont leurs registres seront jugés sur la balance le jour du jugement dernier. On les appelle Thaqalayn. Il n'y en a que deux. C'est les hommes, les humains et les djinns. C'est les deux créatures qui auront des comptes à rendre sur leurs œuvres, qui seront jugées sur la balance. Parmi les humains et les djinns. برسالة شاملة كاملة. Allah l'a envoyé vers ces deux créatures, les humains et les djinns, avec un message complet, parfait. وأنه خاتم النبيين. وأنه خاتم النبيين. Et qu'il est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم خاتم. Avec un kasra sur le ta, sur la lettre ta, un kasra, khatim, le dernier des prophètes. Celui qui met, qui finalise la prophétie. Il n'y a plus de prophète après lui. Khatim, avec un fatha sur le ta, c'est le sceau des prophètes. Le sceau des prophètes. Et dans le verset coranique, on a les deux lectures. Parmi les lectures authentiques du Coran, on a les deux lectures. Wa khatam al-nabiyyin, wa khatim al-nabiyyin. Et le sceau des prophètes est le dernier des prophètes. Wa risalatuhu khatimatul risalat. Et son message, le message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est la finalité, la fin de tous les messages. Il n'y a plus de message après celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des spécificités, des caractéristiques propres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui le distingue des autres prophètes. Ils ont des points communs, les prophètes et les messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue d'eux par le fait qu'il est le dernier des prophètes et des messagers. Le sceau des prophètes et des messagers, que son message met un terme à tous les messages d'auparavant. Le livre qui lui a été révélé a prééminence et abroge tous les livres révélés avant. Et c'est le seul qui a un message universel. Il n'y a aucun message universel si ce n'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes avaient un message pour un peuple, des personnes bien précises. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, son message, il est universel. Il touche tous les hommes et tous les djinns. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il cite ce qui le caractérise par rapport aux autres prophètes, il dit « Wa kana an-nabiyyu yub'athu fi qawmihi khassa » Et tout prophète était envoyé spécialement à son peuple, et moi j'étais envoyé vers tous les gens. Et Allah nous dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah vers vous tous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé vers tous les gens comme annonciateur et avertisseur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde vers les mondes. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau, le dernier des prophètes. Alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La nabiyya ba'di, il n'y a plus de prophète après moi. ورسالته خاتمة الرسالات وآمن بأنه عبد من عباد الله. Et aussi qu'il a la conviction, la croyance qu'il est un serviteur, un adorateur d'Allah. تبارك وتعالى. Jamais un prophète n'a appelé son peuple ou n'a appelé des gens à l'adorer lui. Il les a appelés à adorer celui que lui-même il adore. Lui-même il en est son adorateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète en personne adore Allah et les gens sont invités à adorer Allah. Jamais aucun prophète n'a invité quiconque à l'adorer ou à le prendre comme seigneur en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut avoir cette conviction, cette croyance qu'il est un serviteur d'Allah, un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on n'a pas le droit d'élever un prophète alors qu'Allah l'a élevé et il lui a donné le degré qu'il lui a donné, mais on n'a pas le droit de dépasser cette place qu'Allah lui a donnée, de l'outrepasser, car cela amène à tomber dans le polythéisme. Et en règle générale, beaucoup d'égarements de gens sont tombés dans le polythéisme à cause de l'amour qu'ils ont pour les créatures. L'excès, l'exagération, le surplus d'amour les a amenés à les adorer en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'estime, lorsqu'elle dépasse ses limites, la reconnaissance, lorsqu'elle dépasse ses limites, voilà où est-ce qu'elle amène. Ce qui est arrivé à la première apparition du polythéisme sur terre. Ce sont des hommes pieux, vertueux. Et à leur mort, Shaytan a demandé, a poussé, encouragé des personnes parmi ce peuple de Nuh, alayhi salam, à fabriquer des statues à leur image et de le nommer par leur nom et de les mettre à l'endroit où ils avaient habitude de se réunir pour qu'à chaque passage, les gens, ce leur soit un rappel. Des bonnes actions, des bonnes manières, de la piété. Puis, lorsque les générations viennent à partir, viennent des nouvelles générations qui n'ont pas connu directement ces personnes. Et ils commencent à les diviniser. Et ils en arrivent à leur ramener des offrandes et à les adorer en dehors d'Allah, en les invoquant et autres formes d'adoration. Et pour la première fois sur terre, est apparu le shirk. Et c'est pour cela qu'une grande partie du polythéisme, il est lié avec les cimetières, avec les morts, les tombes. Hein? Une des grandes parties du shirk, et sa première apparition, c'est avec des morts. C'est lié aux morts. Et beaucoup de gens de la masse aiment les cimetières et les tombes. Ce sont des lieux de prière pour eux et d'invocation. Ils recherchent, au lieu de sang, remettre directement à leur créateur, ils vont les chercher chez les défunts et les morts. Ceux qui ne peuvent s'apporter aucun bien, ni repousser un quelconque mal. Pour eux-mêmes, comment le pourraient-ils pour autres? Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, les sectes soufis, les chiites, une des raisons pour laquelle ils combattent le royaume d'Arabie Saoudite, ce n'est pas la politique, ce n'est pas ça, c'est que des prétextes. Non, c'est que c'est une terre dans laquelle il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une terre dans laquelle il y a les tombes d'un grand nombre de compagnons et puis de grands hommes de l'islam. Et ces tombes ne sont pas comme ils le voudraient. Ils voudraient faire revivre l'adoration des tombes. Ils veulent qu'on leur donne accès pour que ce soit eux qui gèrent la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le cimetière de l'Baqir. C'est ce qu'ils veulent. Ils en ont marre de voir une terre avec des morceaux de pierre. Il n'y a aucune tombe qui est élevée. Ils en ont marre. Et ils en ont marre de ne pas voir les noms des défunts. Ils veulent qu'on marque les noms. Ils veulent qu'on construise sur les tombes. Et que de là, il y a du travail. Parce que c'est un travail. Il y a de l'argent à gagner dedans. Hein? Si ce n'est pas des membres de la famille du défunt, d'autres personnes viendront prendre la place. Les serviteurs de telle tombe. Il va être assis, il ne travaille pas, et les gens viennent avec les offrandes, et ils viennent avec les donations, et ils viennent avec les cadeaux. Ils s'enrichissent plus que celui qui travaille. C'est une façon de faire. Et donc, ils veulent reprendre cela. C'est pour ça. Regardez, dans les pays où on leur permet, où on les a laissés faire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Même plus que les cimetières, maintenant c'est les mosquées. Bon, aujourd'hui on voit ça de moins en moins dans les mosquées modernes, mais dans les vieilles mosquées, dans des vieilles villes. Des mosquées dans lesquelles il y a des tombes. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était mourant, il met en garde contre cela. La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont fait de la tombe de leurs prophètes et de leurs pieux des lieux de prière. Ne le faites pas car je vous l'interdis. Donc le prophète s'enseigne jusqu'à sa mort et il met en garde contre cela. Il met en garde contre cela. Alayhi salatu wassalam. Les chrétiens, Isa alayhi salam, on va le voir, on va en parler, dès qu'on y arrive. Et donc, combien ils arrivent à Médine, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi salam, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé de saluer le prophète alayhi salatu wassalam. Il est demandé de saluer ses deux compagnons à côté de lui, Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et d'invoquer Allah en leur faveur. Puis, la visite, elle est terminée. Et la même chose, la visite des tombes. On arrive dans un cimetière, on est face à des tombes, on invoque Allah. C'est eux qui ont besoin de nos invocations. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. Ils sont partis avec leurs œuvres. Nous, on est encore sur terre, on a des œuvres à accomplir. Donc, c'est nous qui pouvons leur être bénéfique en leur faisant des doigts, en invoquant Allah pour eux. Tu fais les doigts comme cela a été enseigné par le prophète sallam. Assalamu alaykum ahl al-diyar min al-muslimin wal-mu'minin yaghfirullahu lana wa lakum. Et les autres doigts qu'il y a là-dessus. Tayyib. Eux, ils ne veulent pas ça. Non. On veut venir. Même s'il le faut ramener à manger, s'il le faut ramener des bêtes à immoler, on veut tourner autour, on veut toucher la terre et la pierre qui est sur cette tombe, on veut l'emporter chez nous, il y a la bénédiction dedans, on veut les invoquer. Si on a des malades, on les ramène avec nous pour qu'ils aient la guérison. La femme qui ne peut pas enfanter, on la ramène avec nous pour qu'elle puisse tomber enceinte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils font. Subhanallah. Et ils lèvent les mains face à la tombe. Et ils invoquent. Wal'iyadu billah. Wallahu al-musta'an. Jamais ils ne connaîtront la grandeur et la puissance des gens qui agissent ainsi. Qui font tout le contraire de ce que l'islam nous enseigne. L'islam, c'est la pureté. Le monothéisme, l'adoration d'un seul. Et on le dit, la ilaha illallah. Et il n'y a personne qui est en droit de recevoir une quelconque adoration. Sauf Allah, c'est le seul. C'est la véritable divinité. C'est-à-dire, je m'écrois en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ma croyance, elle est en celui qui mérite l'adoration, seul et l'unique, Allah tabaraka wa ta'ala. وآمن بأنه عبد من عباد الله شرفه الله بحمل رسالته إلى العالم. Donc, et qu'il croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah. Parmi ses serviteurs, Allah l'a honoré pour qu'il prenne en charge son message vers le monde. فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر به وابتعد عما نهى عنه وزجر. Et il a cru en toute information nous venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et il obéit à tous ses ordres et il s'éloigne et s'abstient de tous ses interdits. Ça, c'est parmi les implications de du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Ça implique, je crois en toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça implique que je me dois de m'exécuter face aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'applique ce qu'il me demande et je m'éloigne de ce qu'il m'a interdit. Thalithuha, troisième point. الاعتقاد بأن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله ورسول من رسله. La croyance que Jésus, Isa عليه السلام, est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, un adorateur parmi les adorateurs d'Allah et un messager parmi ses messagers. وأنه ليس ابن سفاح كما يزعم اليهود. Et qui n'est pas le fruit, alayhi salatu wassalam, de la fornication. Il n'est pas le fruit de l'adultère, comme le prétendent les juifs. Et ont suivi les juifs dans cela, les chiites, qui ont été fondés par un juif, Abdullah ibn Saba, le yéménite. Et ils ont dit, pour ne pas laisser que le problème que chez entre juifs et chrétiens, ils ont dit, même chez les musulmans, le prophète Mohammed, son épouse, elle a commis l'adultère. Ils n'ont fait qu'imiter les juifs dans cela. Naam, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que Aïcha, radiallahu anha, elle a commis l'adultère. Alayhim min Allahi ma yastahiqoun. Qu'Allah il leur donne la punition qu'ils méritent. Donc eux, ils disent, jusqu'à aujourd'hui, ils l'insultent de tous les noms. Regardez le respect qu'ils ont envers les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que eux, lorsqu'ils estiment une personne, leur estime, elle va toucher qui? Tous ceux qui entourent cette personne. Tous ses proches. Un tel, c'est le fils d'un tel. Ça fait. Hein, oui, mais c'est comme ça l'être humain. Quand on parle de quelqu'un en bien, on dit c'est son enfant, tu as de l'estime par rapport à la personne. D'accord? C'est ses proches, c'est ses enfants, c'est son épouse. Et les chiites, ils le font aussi vis-à-vis de leurs ayatollahs. On leur dit c'est l'épouse de tel ayatollah. Ils vont avoir de l'estime. C'est les enfants de tel ayatollah. Ils vont avoir de l'estime. Eux, ils étaient les proches compagnons de tel chir. Ils l'ont connu, ils ont vécu avec lui. Ils vont avoir de l'estime. Et lorsqu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs plus grands ennemis qui existent sur terre, ce sont ceux qui étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'ouzou billah. Leurs plus grands ennemis, ce sont les préférés des compagnons auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, c'était son épouse préférée. C'est leur plus grand ennemi. Son père, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'était le meilleur des compagnons, le plus préféré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur plus grand ennemi. Qu'attendez-vous des chiites? Subhanallah. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, les juifs, eux, disent que Maryam, alayhi salam, Marie, la Vierge, non, cet enfant, c'est le fruit de l'adultère. Et ils disent qu'elle l'a fait avec, comment il connaît? Il l'appelle Joseph, le charpentier. En plus, ils inventent des noms. Il a un nom, il a un métier. Allahul Musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. وأنه ليس ابن سفاح كما يزعم اليهود وليس هو الله. Et ce n'est pas lui Allah. Parce que chez les chrétiens, ils disent que c'est Allah en forme humaine. C'est Allah qui apparaît en humain. Et chez les chiites, mais des extrémistes de chez eux, parce que même chez eux, ils ont plein de tendances. Les extrémistes, il y en a qui disent que Ali, c'est Allah en humain. Wal'iyadu billah. Walaysa huwa Allah, wala ibnullah. Et il n'est pas le fils d'Allah. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a ni compagne, ni enfant. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Subhanahu wa ta'ala. Wala thalithu thalatha. Il n'y a pas de trinité. Il n'est pas le troisième de trois. Ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Kama yaz'umu an-Nasara, comme le prétendent les chrétiens. Eux-mêmes sont incapables d'expliquer ce qu'ils prétendent. Ils sont incapables. C'est connu chez les chrétiens, ils n'ont jamais de réponse. Je parle de leur pape, leur curé, leurs archevêques, et ainsi de suite. Leurs cardinaux, et ainsi de suite. Ils sont incapables. Il faut croire en soi et c'est tout. Il n'y a pas d'explication. C'est des choses inventées. Jamais Issa n'est venu avec cette croyance. Ça a été inventé. Il est même dit que beaucoup de leurs fausses croyances, c'est un homme qui s'appelle Paul, un juif qui est rentré chez les chrétiens pour salir et faire dévier les gens du droit chemin. Comme Abdullah ibn Sabah qui était un juif qui s'est introduit chez les musulmans pour salir l'islam depuis l'intérieur. Des détracteurs, il y en a toujours eu, hein, dans toutes les époques. Ils font croire aux gens de la masse des choses et ils sont là que pour leur mal. À l'époque du prophète sallam, la tête des hypocrites, Abdullah ibn Sabah, ibn Saloul, il est connu, c'était le chef des hypocrites. Il a comploté, il a fait, il faisait tout ce qui pouvait nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et c'est lui, lorsque il a eu cette occasion de salir l'honneur, la chasteté de Aïcha radiallahu anha, il a lancé ce mot-là. Hein, c'est lui qui a lancé ça. Et il a dit qu'elle a fait l'adultère. Wal'iyadu billah. Et le Coran est descendu des versets pour innocenter Aïcha radiallahu anha. Comme As-Samiri, le Samaritain, à l'époque de Moussa alayhi salam. Il est avec eux. Il voit des miracles. Subhanallah. Il voit des miracles. Il voit la mer s'ouvrir en deux. Subhanallah. Et il traverse. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël sont maltraités. Ils sont des esclaves pour les Coptes, les habitants de l'Égypte. Pendant 400 ans, ils n'espéraient même plus. Et Moussa alayhi salam arrive et il les sauve de Pharaon. Il quitte l'Égypte, il traverse la mer elle s'ouvre devant eux. Subhanallah. Et ils traversent, derrière les troupes arrivent avec Pharaon, la mer elle se referme. Ils sont engloutis et noyés. Et après cela, Moussa alayhi salam va à son rendez-vous avec Allah tabaraka wa ta'ala, avec son Seigneur. Il s'absente, le Samaritain en profite. Allez, donnez-moi tout l'or que vous avez et il leur fait un veau d'or. Voilà. Voilà, c'est lui votre Dieu. Wal'iyadu billah. Allahul Musta'an. Donc dans toutes les époques, il y a des détracteurs pour embellir le mal et éloigner les gens de la droiture. C'est des gens qui travaillent avec Shaitan. Parfois même, ils peuvent dépasser Shaitan. Je vois même des fois, Shaitan, il se dit, vous m'avez dépassé. Wal'iyadu billah. Qu'Allah les éloigne de nous. بل هو عبد من عباد الله mais c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. أرسله الله إلى بني إسرائيل. Allah l'a envoyé vers les enfants d'Israël. Vous avez vu? Vers les enfants d'Israël. Voilà le message de Isa alayhi salam. Il est pour qui? Pour les enfants d'Israël, pour son peuple. Ça c'est le message de Isa alayhi salam, car Isa est un hébreu, c'est un enfant d'Israël. Israël, c'est un des noms de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, Jacob, a eu 12 fils, dont parmi ses enfants il y a Youssouf alayhi salam, qui est aussi un prophète. Les 12 fils seront à la tête des 12 tribus des enfants d'Israël. Ils ont 12 tribus. Ils sont tous issus d'une des 12 tribus. Et on les appelle les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaqub. Ils descendent tous de Jacob, alayhi salam. Et Isa, alayhi salam, il fait partie de ce peuple. Et il est un des prophètes de Banu Israël. C'est le peuple qui a eu le plus de prophètes dans l'histoire. Et lui, il est le dernier prophète des enfants d'Israël. Car entre lui et le prophète Mohammed, il n'y a plus de prophète. Donc Isa, alayhi salam, c'est l'avant-dernier prophète. Et il y a 6 siècles qui les séparent. Et donc son message, il est propre à un peuple précis qui est les enfants d'Israël. Yad'ouhum ila ibadatillahi wahdah. Il les a invités à l'adoration d'Allah seul. Voilà le message de Isa. Isa, il n'aura jamais demandé de l'adorer ou d'adorer sa mère, Maryam ou autre. Non, il aura demandé d'adorer le Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadha siratun mustaqim. Et certes, Allah, il est mon Seigneur et il est votre Seigneur, adorez-le. Voilà un chemin droit. Wa qad khalaqa Allah Isa bi kalimati kun. Et Allah a créé Isa, c'est un miracle, la naissance de Isa alayhi salam, par sa parole soi. Ad-dalla 'ala at-takwin wa annahu ruhun min al-arwah. Hein, qui prouve que il a été formé par cette parole et qu'il est une âme parmi les âmes qu'Allah a créées. Wa annahu ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah. Inna mathala Isa 'inda Allah ka mathali Adam. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابْ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Auprès d'Allah, l'exemple de Isa, c'est comme Adam. Allah l'a créé de terre, puis il lui a dit « Sois » et il fut. Et s'il y a étonnement dans la naissance de Isa, qui est né d'une mère sans père, encore plus étonnant, Adam alayhi salam, qu'Allah a donné existence sans père ni mère. Rabi'uha, quatrième point, anna al-jannata haqq, que le paradis est vérité. Ay, wa'taqada anna al-jannata allati a'addaha Allah lit-ta'i'in min 'ibadihi thabitatun mawjudatun wa haqiqah la rayba fiha. وأنها المقر الأخير الخالد للمؤمنين به والمتبعين لرسله. C'est-à-dire qu'il a la conviction, la croyance que le paradis qu'Allah a promis à ceux qui ont obéi, ceux qui lui ont obéi parmi ses serviteurs, qu'elle existe vraiment, réellement, sans aucun doute, et qu'elle est la demeure finale, éternelle, pour les croyants, ceux qui croient en lui et qui suivent ses messagers. Ils croient en Allah et ils suivent ses messagers. Et ceux qui entrent au paradis, c'est pour une vie éternelle, contrairement au feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, il y a ceux qui vont y entrer pour y résider éternellement et ceux qui vont y entrer pour une période parmi les croyants, ceux qui doivent être punis et châtiés par le feu de l'enfer, mais à un moment donné, ils quitteront le feu de l'enfer. Mais ceux qui entrent au paradis ne sortent plus du paradis. Ils y sont éternellement. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ses habitants. Khamisuha, cinquième point. An-nar haqq, que le feu de l'enfer est vérité. Ay, c'est-à-dire, wa'taqada an-nar التي توعد الله بها الكافرين والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها أعدها الله لمن كفر به وجحده وعصاه. Quelle est la conviction, la croyance que le feu qu'Allah a menacé avec les mécréants, les hypocrites, est une réalité. Il existe réellement, véritablement, sans aucun doute, et qu'Allah l'a préparé pour ceux qui ont mécru en lui, qui l'ont renié et qui lui ont désobéi. وهذه الأمور الخمسة من صدق وآمن بها وعمل بما تقتضيه أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب وذلك بسبب توحيده وإخلاصه العبادة لله وحده. Celui qui a la conviction véritable et qui croit en ces cinq points qu'on vient de citer et qui pratique ce qu'elle implique, Allah le fera entrer dans le paradis même s'il a des manquements. Même s'il a des manquements et des négligences et qu'il a des péchés. Et ceci grâce à son monothéisme. Il ne faisait pas partie des polythéistes et sa sincérité dans l'adoration d'Allah seul. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on retient, les leçons à retenir du hadith. Yustafadu minhu, donc parmi les leçons à retenir de ce hadith, fadilatu tawhidillah, les bienfaits, les mérites, les vertus de l'unicité d'Allah. Wa anna Allah yukaffiru bihi dhunub. Et qu'avec le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah efface et expie des péchés. C'est une des vertus du monothéisme, du tawhid. Si'atu fadlillah wa rahmatuhu bi'ibadih. La grandeur des bienfaits d'Allah. Et comment les bienfaits d'Allah sont vastes et sa clémence envers ses serviteurs. Yustafadu min qawlihi. في محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله معرفة ما للأنبياء من الحق وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. On retient de la parole sur le prophète Mohammed sallam qu'il est son serviteur et son messager de reconnaître les droits des prophètes et de connaître les droits des prophètes et surtout les droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans exagération, sans excès, ni laxisme et relâchement. Anna al-usat min al-muwahhidin la yukhalladuna fi an-nar. Que les pécheurs parmi les monothéistes ne seront, si jamais ils viennent à entrer dans le feu de l'enfer, n'y resteront pas éternellement. وجوب الإيمان بالجنة والنار. L'obligation de croire au paradis et à l'enfer. On va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.